Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 68. De l'injustice dans les accusateurs. Si on est obligé d'accuser, si l'on doit consigner l'accusation par écrit, ce qui rend l'accusation injuste, de la peine du talion. 1. Est-on tenu de se porter accusateur? Ici-bas, où chaque chose ne rentre pas nécessairement à sa place, les punitions ne doivent point être recherchées pour elles-mêmes, on ne doit se les proposer que comme des mesures utiles au coupable ou à la société. Si on a connaissance d'un crime nuisible au bien public, on est obligé de se porter accusateur, pourvu que l'on soit en mesure de prouver ce crime juridiquement. Mais, quand une faute ne rejaillit pas sur la société ou qu'on ne peut pas en donner une preuve suffisante, on n'est pas tenu d'intenter l'accusation, car nul n'est obligé de commencer ce qu'il ne pourra pas, d'une manière légitime et convenable, mener à bonne fin. 2. Faut-il que l'accusation soit écrite? Le droit canon porte, l'accusateur ne doit pas être reçu sans un écrit. Dans une cause criminelle, l'accusateur est constitué partie, de telle sorte que le juge est placé entre lui et l'accusé pour procéder à une information judiciaire, où l'on ne doit, autant que possible, admettre que ce qui est certain. Les faits qui ne sont attestés qu'en paroles sortant facilement de la mémoire, le juge n'aurait pas la certitude de ce qui a été dit et de la manière dont on l'a dit, si l'accusation n'était que verbale. Pour ce motif, on a eu raison d'établir que l'accusation, comme tous les autres actes qui interviennent dans un jugement, doit être consignée par écrit. 3. L'accusation devient-elle injuste par calomnie, prévarication ou tergiversation? On lit dans le droit, la témérité des accusateurs se révèle de trois manières, par des calomnies, par des prévarications ou par des tergiversations. Calomnier, c'est accuser faussement quelqu'un d'un crime, ici, l'injustice envers l'accusé est manifeste. Prévariquer, c'est voiler frauduleusement une partie des pièces de l'accusation par connivence avec l'accusé, pour mettre sciemment obstacle à sa punition, on cause un préjudice à la société. Tergiverser, c'est se désister entièrement de l'accusation, à dessein et par calcul, en quittant le rôle d'accusateur sans motif légitime. Dans ces trois cas, l'accusateur est évidemment coupable, et le juge peut tenir son accusation pour injuste. 4. L'accusateur qui n'a pas prouvé ce qu'il avançait est-il passible de la peine du talion? Le pape Adrien Ier porta ce décret, celui qui n'aura pas prouvé l'accusation qu'il intente, subira la peine qui aurait frappé l'accusé. Nous l'avons dit. Se porter accusateur dans une cause criminelle, c'est poursuivre le châtiment de l'accusé, et il appartient au juge d'établir entre l'accusateur et l'accusé une juste égalité. Or l'égalité veut que celui qui cause un préjudice à quelqu'un subisse un dommage semblable, comme le marque cette parole déjà citée, œil pour œil, dent pour dent. Il suit de ces principes que si on expose injustement un homme à subir un châtiment, on est soi-même passible de la même peine. Note. Lorsque l'accusateur n'est pas coupable dans son erreur, le droit veut que le juge le renvoie sans le punir. Mais celui qui agit méchamment, mérite d'être châtié pour avoir péché à la fois et contre l'accusé et contre la société. Dès que, après un sérieux examen, porte le Deutéronome 19-18, on aura reconnu qu'un faux témoin s'est rendu coupable d'une calomnie contre son frère, On le traitera comme il avait dessein de traiter son frère. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.